Le journal internet sud-coréen La Voix du Peuple annonce que plusieurs organisations sud-coréennes, telles que le comité de lutte de Songju contre la disposition du SAD, le comité de mesure des citadins de Kimcheon contre la disposition du SAD, le comité de mesure d'urgence pour la sauvegarde du haut lieu de Songju du bouddhisme Won et l'action nationale contre la disposition du SAD ont porté une plainte le 11 contre Fang Yuan, Kim Gwan-jin, Yum Dong-se et Han Min-gu, acolytes de Park Geun-hye, qui ont dissimulé la demande américaine sur la cotisation du SAD pour ainsi déployer illégalement l'armement des États-Unis.